de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur qui nous a disposé encore ces jours. Nous disons merci encore au ministre du sanctuaire. D'accord? Du véritable sanctuaire céleste. Le souverain sacrificateur, le grand pasteur des brebis, le Seigneur et Sauveur, qui est le nôtre, Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a permis d'être réunis aussi, réunis encore aujourd'hui pour partager sa parole. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà. Bonsoir mon cher frère. Donc que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être venu encore. Donc avant qu'on commence, je vais dire certaines choses que j'ai dit ici une des fois. Vous vous souvenez, une fois, je vous ai dit ici que j'étais en train d'écouter quelqu'un là, au journal, on parlait d'Alain Parfait. Vous vous souvenez? Oui. Un politicien, vous avez dit que cette personne est liée à la politique et il est en des connivences, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un parti politique nordiste, il s'est lié avec le... celui qui est au pouvoir. Donc, j'étais en train de lui dire, en donnant la description, vous pouvez savoir de qui il est question. Donc, j'étais en train de lui dire que, quel qu'en soit le cas, la question, pourquoi on parle de lui à l'aime parfait. C'est ce que j'avais dit, n'est-ce pas? Mm-hmm. Donc, suivez cela. De toute façon, vous savez de qui il est question. Donc, quand il dit comme ça, je remémore seulement les choses que vous avez dites ici. Comme ça que ça arrive pour que vous sachiez. Vous vous souvenez qu'on a parlé ici qu'on voulait prier pour l'État. Je vous ai dit, les gens qui sont au... Donc, les gens qui sont censés être au renseignement et qui vendent le renseignement du pays, n'est-ce pas? On a dit qu'on prie pour que le Seigneur les livre en spectacle. Ce n'est pas terminé, il y aura encore des choses qui vont arriver. D'accord, bien aimé? Il n'y a pas de journaliste, on est intimidé. Voilà. Il n'y a pas de dénoncé. Voilà. C'est vous qui êtes le journal. Donc, c'est vous qui. Vous êtes le radio assemblé. Le frère radio assemblé. Chez moi, il n'y a ni télévision ni radio. Donc, nous sommes obligés de capter vers là où. L'antenne ne brouille pas. Ou s'il n'y a pas le signal, ça ne donne pas du tout. D'accord, frère? Donc, je te dis que ça va encore arriver. Parce que ça va arriver vraiment, ça va secouer. Des gens qu'on ne soupçonnait même pas. Donc, je te dis des choses pour que vous compreniez. En avançant ce soir, d'accord? Vous vous souvenez, dans un des enseignements, je ne sais pas si c'est dans la doctrine de prospérité qu'on a fait travail ici. Le jour où j'avais mis Pasteur Chris et autres là, et Raoua Fou, je vous ai dit, les voici, observez Pasteur Chris divorcé, n'est-ce pas? Qui va divorcer? Vous savez ce qui se passe, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Voilà. Donc, vous avez le CD. Écoutez, j'ai parlé de son divorce là-dedans, qu'il devait divorcer. Maintenant, souvenez-vous encore, j'ai dit encore autre chose que j'ai un grand, c'est-à-dire les gens qu'on appelle grands, c'est-à-dire ce qui les gens, c'est Paul, qui a plusieurs dénominations quelque part. J'ai aussi dit ça ici, que c'est au Nigeria. Que c'est, je suis en train de regarder cette personne tomber et sa dénomination se disloque. D'accord? Voilà, donc ça va créer l'embrouille. Mais jusque-là, la question que je me pose, c'est que est-ce que les gens vont comprendre que c'est un signe du Seigneur pour montrer effectivement que tous ces gens ne sont pas élevés? Ça, c'est la question que je me pose. La deuxième chose que je veux dire, c'est que quand les choses sont données en correction, je vais prendre un exemple pour vous. Si Simulation n'est pas là en parabole, pour que, quand ça va arriver, je vous dis quelle est la question. Mais si vous êtes vraiment, vraiment intelligent, c'est-à-dire que si vous suivez mon langage depuis le début, ce soir, si vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Donc, maintenant. De quelqu'un, vous savez, je vais prendre un ministre par exemple, un ministre qui a un problème avec sa femme, d'accord? Un ministre qui a un problème avec sa femme, comme il a dans cette notoriété là, pour que ça ne s'efface pas, en fait c'est déjà c'est connu. Souvenez-vous, je vais prendre un exemple, c'est ce que je vais dire. Maintenant cette personne, le fait qu'il est dans des problèmes avec sa femme, sa notoriété est touchée. Alors, vous savez, la façon de Dieu de réconcilier, ce n'est pas la façon humaine. Alors, on commence à faire la facette humaine. Il était qu'on peut encore se voir ensemble, c'est-à-dire qu'on marche encore ensemble, mais pourtant, en réalité, c'est consommé qu'il y a le divorce. Pourtant, il dit initialement il y a le divorce, mais on vient ensemble, on nous voit encore ensemble, on dit que ah, c'est venu ensemble. Et jusque-là, on appelle le nom de Dieu là-dessus pour dire que non, ça c'est que Dieu a voulu, c'est que Satan a voulu faire, il a menti. Mais pourtant, derrière, c'est l'hypocrisie. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, il y a des réconciliations. J'espère que vous comprenez, n'est-ce pas, bien-aimé? Pour que je puisse t'adorer, je veux t'adorer. Chante avec moi, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons, Saint-Esprit. Nous t'adorons, Dieu vivant. Alléluia. Nous t'adorons. Chante encore une fois. Adore ton Dieu. Alléluia. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur.